tambour, demande-la à mon père. Joli tambour, demande-la à mon père. Ran, ran, ran, patapan, demande-la à mon père. Sire mon roi, veux-tu me donner ta fille? Sire mon roi, veux-tu me donner ta fille? Ran, ran, ran, patapan, veux-tu me donner ta fille? Joli tambour, quelle est donc ta fortune? Joli tambour, quelle est donc ta fortune? Ran, ran, ran, patapan, quelle est donc ta fortune? Sire mon roi, ma caisse et mes baguettes. Sire mon roi, ma caisse et mes baguettes. Ran, ran, ran, patapan, ma caisse et mes baguettes. Joli tambour, tu n'es pas assez riche. Joli tambour, tu n'es pas assez riche. Ran, ran, ran, patapan, tu n'es pas assez riche. J'ai bien aussi des châteaux par douzaine. J'ai bien aussi des châteaux par douzaine. Ran, ran, ran, patapan, des châteaux par douzaine. J'ai trois vaisseaux dessus la mer jolie.